Georges Baume. Le Château Vert. Chapitre 1er. Un matin d'août, par le plus beau soleil, au Gros d'Agde, Benoît Jalade se désolait une fois de plus que, malgré la prospérité du Château Vert, l'hôtel qu'il avait hérité de ses parents, les recettes ne suffisaient point aux dépenses. Sa femme, Irène, le rassurait de son mieux dans le petit bureau qu'un couloir séparait de la cuisine et où, avec leur fille Thérèse, ils goûtaient la douce intimité familiale. « Je n'y comprends rien, » disait Benoît. « Nous faisons beaucoup d'argent et il y a des jours où j'ai de la peine à quitter des notes de rien du tout. »« Nous avons tant de frais, mon ami. Et puis les réparations, les agrandissements, le garage, ça coûte un garage. » « Puisque nous avons augmenté le prix de la pension, nous devrions avoir de l'argent de reste. Or, j'ai été encore obligé d'emprunter au brave François Ravin il y a un mois. Tout s'arrangera pourvu que nous ayons toujours beaucoup de monde. Il faudra que je sache où file mon argent. Dès aujourd'hui, je tiendrai une comptabilité sévère. Quel casse-tête tu vas t'infliger !» Benoît était assis à sa petite table d'acajou qui appuyait contre le mur ses deux menus compartiments de tiroir où s'entassaient pêle-mêle des factures, des quittances, des papiers à lettres. Benoît, les coudes sur la table, souffrait véritablement, lui, si loyal, de voir sa dette monter chaque jour. Il finit pourtant par donner raison à sa femme. Il lui donnait toujours raison. Il se leva d'un sursaut et, se plaçant tout contre Irène, il lui dit « J'ai le cafard, des fois, que veux-tu ? Allons, avec tous nos éléments de fortune, tu ne devrais pas te désespérer. » Irène le saisit par les bras et, tendrement, le baisa au front. Ils étaient l'un et l'autre d'une taille au-dessus de la moyenne, le teint rose, les cheveux châtains et de figure presque jolie. Irène, qui avait en ses yeux bleus, quand elle voulait, une douceur languissante, savait l'empire absolu qu'elle possédait sur son mari. Si elle lui recommandait d'avoir confiance à l'avenir, et à l'heure même où les menaçait quelque épreuve, elle ne mentait pas. Car, pareille à l'oiseau qui attend chaque jour du bon Dieu sa pâture, elle était douée de la plus rare insouciance. Benoît également voyait d'ordinaire la vie facile dans cet hôtel où il avait vécu toujours heureux. Aussi, pour ne pas troubler la sérénité de leur existence, n'osait-il pas reprocher à Irène l'excès de ses dépenses en toilette et en promenade. Il se retirait de son étreinte lorsque la porte de leur salle à manger s'ouvrit. Leur fille, Thérèse, apparut, une enfant gâtée, un peu gamine, qui se croyait belle, malgré son nez trop long et ses lèvres trop grosses. À vrai dire, le brillant velouté de ses yeux noirs, l'éclat bronzé de sa peau, prêtait un certain charme à la fraîcheur de ses 16 ans. Thérèse était pour ses parents le trésor de leur amour, et elle abusait de leur complaisance en souveraine. Coiffée d'un chapeau neuf, qui ne laissait guère à découvert que l'extrémité de ses cheveux courts, une ombrelle à la main, elle s'avança vers son père en minaudant. « Toi, lui dit-il, tu viens nous demander quelque chose. »« Oui, je m'en vais à Agde. »« À Agde ? Et pourquoi ? Nous allons bientôt déjeuner. »« Jacques me conduira en auto chez les Ravins. »« Tu vas trop souvent chez nos amis, petite. Les gens finiront par s'étonner que nous te laissions aller si librement dans une maison où il y a un jeune homme à marier. » « Je me moque bien des gens, et puis je suis chez les Ravins comme chez moi. »« Si tu veux me faire plaisir, tu renonceras désormais à ces visites imprévues. Les Ravins sont trop riches. »« Pas pour nous. » D'une brusque pirouette, Thérèse s'éloigna en marmonnant de méchante humeur. « Notre héritière n'est pas contente, » plaisanta Benoît. « Tu as été dur. » Que les gens s'occupent de leurs affaires, non des nôtres. Tant que les Ravins ne se fâchent pas, ils sont trop polis pour se fâcher, et ils ne soupçonnent rien de la liaison qui peut se tramer entre les deux enfants. Mais il n'y a rien. Ah, comme tu te montes la tête. Irène lança un regard de reproche à son mari. Celui-ci, faiblissant aussitôt, se gratta le nez et dit « Tu n'as peut-être pas tort. Tais, je m'en vais surveiller mes marmitons. » Tandis que Benoît passait dans la cuisine, Irène, nonchalante, le remplaça au petit bureau afin d'établir quelques notes pour sa clientèle. Le château vert était une volumineuse bâtisse, ici en bois, là en brique, construite par morceaux au fur et à mesure que se développait la prospérité du gros d'Agde. Au rez-de-chaussée, la salle à manger, deux salons, un café, la cuisine et les différentes pièces d'un nombreux ménage. Sur l'un des côtés de ce bizarre caravansérail, au rez-de-chaussée, s'étalait une terrasse très gaie, encadrée, du moins à demi, de fines lamelles à jour où grimpaient les lianes d'une vigne vierge. Le bois des façades était peint en vert, ce qui, dans le grand paysage de lumière, de sables argentés et d'eau, prêtait à l'énorme bâtisse une sorte de rusticité malicieuse. Un bosquet de vieux pins descendait vers la plage qui, depuis l'Hérault jusqu'au lave du Cap, allonge une lieue de sable. Aucun endroit du monde n'eût offert plus de magnificence aux jalades. Non qu'ils en sentissent la beauté, le charme d'ingénuité primitive. Mais ils lui avaient confié leur rêve de fortune. Devant le château, que suivaient des auberges et d'humbles gîtes de baigneurs, l'Hérault, tel un fleuve majestueux, roulait ses ondes vertes et, là-bas, sur la rive opposée, s'étendant à perte de vue, une lande à la brousse sauvage. À 200 mètres du château, le fleuve s'abandonnait au remous de la mer avide. Sur la plage, campaient en grouillantes tribus, à l'abri de leurs voitures et de leurs charrettes, des paysans du littoral. Campement d'ancien temps, auquel les jalades ne s'intéressaient pas plus qu'ils n'étaient tentés d'aller en promenade jusqu'au phare qui, tout à la pointe de la jetée, élève sa tour blanche et sa lanterne de verre, dont la clarté, dès le crépuscule, s'élance vers le large et le promontoire de Sète, très loin. Benoît, quand il eut fait un tour à la cuisine, s'esquiva par le jardin potager vers le garage. Tout à coup, une auto, la sienne, tourna devant lui dans la direction d'Agde. Il appela « Jacques, arrête, arrête !» Jacques, son chauffeur, n'entendit rien. Thérèse finit de ne rien entendre et même elle se mit à rire. L'auto filait comme une folle le long de l'Hérault. 5 kilomètres jusqu'à Agde, illustre cité de jadis, qui, bâtie avec des laves de son volcan, semblait brûlée par un incendie. Ses rues tortueuses sentaient la marée, le cuir et le goudron, aussi la cuve en fermentation par ses temps de vendange. Car la plaine de sable, qui va de la ville au Gros, était depuis 20 ans transformée en royaume des vignes. L'auto longea les quais jusqu'au-delà du pont suspendu, puis, contournant le moulin royal, dont la digue brise le cours du fleuve, elle monta vers la promenade aux radieux platanes, et, à la lisière de la ville, dans un quartier de jardin, elle s'arrêta devant la grille d'une maison presque neuve, un castel bourgeois qui égayait un parc. Thérèse mit allègrement pied à terre et, négligeant de sonner à la grille, elle pénétra au pas de course chez les Ravins. Dans l'ample vestibule, qui était dallé de marbre gris, Madame Ravin, la corpulente et généreuse Eugénie, accueillit l'enfant avec des transports de joie. « Que tu as bien fait de venir !» « Papa ne voulait pas, il a peur que je sois indiscrète. »« Toi, depuis quand ?» Thérèse déposa son chapeau et son ombrelle dans le boudoir où Eugénie l'avait accompagnée. « Et Philippe ? » demanda-t-elle. « Il travaille au bureau, mais il ne tardera pas à rentrer avec son père. » Un peu après midi, les deux hommes rentrèrent, en effet, toujours contents. Monsieur Ravin, François, ainsi que l'appelait familièrement Thérèse même, était plutôt petit, assez laid, les yeux illuminés d'intelligence et de bienveillance, dans un visage anguleux. « Oh, petite !» s'écria-t-il, « quelle surprise ! Tu déjeunes avec nous ?»« Naturellement !»« Et ton père, et ta mère, je veux toujours aller les voir, toujours quelque occupation m'en empêche. Ah, ce n'est pas une sinécure que le métier de négociant en vain !» Thérèse ne l'écoutait plus. Elle s'était tournée vers Philippe, beau garçon, grand, très brun, qui, dans son calme, sa froideur au moins apparente, se divertissait de la voir si vive, si ardente. D'un élan, elle lui sauta au cou. « Tu ne me grondes pas, toi non plus, Philippe, pour m'être invité ?»« Je t'en félicite au contraire. »« Tu sais, moi, tout ce va-et-vient de l'hôtel m'ennuie et la pose de tant de gens qu'on ne connaît pas. Ça me repose d'être ici. » « Tu as raison, va !» Philippe chérissait beaucoup Thérèse, mais de 10 ans plus âgé, il avait connu toute petite, alors qu'il faisait parfois des rêves d'amourette. Elle n'était encore pour lui qu'une enfant, une grande poupée, amusante, affectueuse. Il ne lui venait point à l'idée qu'elle pouvait, un jour, devenir sa femme. Eugénie sortit de la cuisine en frappant dans ses mains. « À table, mes amis !» Thérèse, incontinent, prit le bras de Philippe. À table, elle se plaça auprès de lui, comme d'habitude. Tout le long du repas, c'est elle qui, de sa verve enjouée, entretint la conversation, vantant la prospérité du château vert, remerciant des yeux Philippe de se montrer si coquet, certainement pour lui plaire. François, devenu sérieux, avait échangé avec sa femme un regard d'étonnement. N'avait-il pas, 2 mois auparavant, prêté encore à son ami Benoît Jalade une assez forte somme ? « Le château vert fait donc de l'argent ? » demanda-t-il à Thérèse. « Certes, on refuse du monde. » « Tant mieux !» À la fin du repas, glorieuse de se sentir chez elle, Thérèse se leva prestement et servit le café qu'on prenait à table. La porte-fenêtre restait ouverte sur le parc et protégée des feux du soleil par un store blanc à bandes jaunes. Dans ce castel, au bord de la ville, on respirait avec délice le parfum des choses toutes neuves, d'une sobre élégance. Philippe, quand il eut savouré sa tasse de café, descendit au parc lentement, sans dire un mot, par le perron de 5 marches. Thérèse, fâchée d'une pareille indifférence, baissa le front. « Va le rejoindre, parbleu !» plaisanta François. « Il est drôle, » balbutia-t-elle. « À quoi pense-t-il donc ?»« Je ne sais, petite, à moins qu'il ne pense à rien, ce qui est probable. » Thérèse, d'un bond de chatte, s'échappa dans le parc à la recherche de Philippe. D'abord, elle ne l'aperçut point sous la voûte des épais feuillages. C'est qu'ayant parcouru pourtant sans hâte une allée sinueuse, il sortait maintenant d'une touffe de roseaux pour se promener sur le talus de verdure qui dominait un vaste domaine, éclatant de plantations diverses et occupé par 3 serres. Depuis 2 mois, le fameux maraîcher d'Agde, Isidore Barrière, avait acheté, en mitoyenneté de l'habitation des Ravins, cette importante propriété où il réalisait enfin le rêve de sa vie, qui était de dépenser son art très personnel de pépiniériste et d'horticulteur. Aussi pratique qu'imaginatif, Barrière avait pendant 30 ans de labeur amassé une fortune de 200 000 francs, que, dans son paradis, rayonnant de plantes et de fleurs comme le ciel d'étoiles, il se flattait d'augmenter sans trop d'efforts. Pour qui nourrissait-il l'ambition d'une fortune enviée ? Non pour lui, qui ne connaissait aucun plaisir hors de son domaine, mais pour son enfant unique, sa Mariette, qu'il espérait bien marier avec un monsieur de la bonne société, à Béziers ou à Montpellier. Le premier jour où, parmi les richesses de son jardin, Mariette, souriante et belle, brune fille du pays de la vigne et de l'olivier, lui apparut soudain. Philippe sentit son cœur, d'ordinaire aussi calme que l'eau qui dort, s'éveiller dans une pensée de lumière et d'amour. Il l'admira longtemps, avec une sorte d'enthousiasme, comme s'il eût découvert la beauté pour la première fois. Dès qu'il pressentit qu'elle allait se trouver de son côté, il se rejeta violemment au sein des roseaux, par pudeur. Peu à peu, les jours suivants, il eut plus de courage, il soutint le regard de la jeune fille une seconde. Puis il la salua de la main, et gentiment, et par politesse de voisinage, elle lui rendit son salut. Hier, il avait osé lui adresser quelques mots. « Monsieur Barrière a tous les talents, mademoiselle. »« Oh, monsieur, des talents d'horticulteur !»« Vous devez vous plaire mieux ici que dans votre jardin maraîcher de l'autre côté de la ville. »« Le jardin maraîcher ne me déplaît pas puisque j'y suis née. » Elle avait salué du front et, timide aussi, elle était revenue à la maison. Lui, immobile, l'avait suivi des yeux avec ravissement. À présent, sur le talus de bordure, Philippe s'était placé au même endroit que la veille. Il s'impatientait déjà de l'absence de Mariette lorsque son brun visage à l'ovale régulier, à la clarté vive, qu'ombrageait un fin chapeau de tulle blanc, apparut entre des tiges de bambou que dorait le rayon du soleil. Elle s'engagea lentement, le cœur pensif, dans l'allée centrale qui séparait le potager d'un taillis de mimosa. C'est alors que Thérèse, surprenant enfin Philippe, lui frappa sur l'épaule. « Que fais-tu là ? » ?»« Eh, c'est toi, j'admire ce beau jardin. »« Quoi ? Tu ne le connais pas encore ?»« Non, pas assez. » Philippe, l'air distrait, marcha dans le sentier qui, le long du mur mitoyen, très bas, conduisait à l'extrémité du parc. Thérèse, qui n'avait pas aperçu Mariette, l'accompagna, sans soupçonner chez lui le moindre souci d'amour. « Philippe, dit-elle, tu n'es pas venu une seule fois de cette saison au Château Vert. Tu me l'as promis, cependant. »« Un dimanche, impossible, il y a trop de monde. Dès que ma besogne au bureau se calmera, je tiendrai ma promesse un jour de semaine. »« Sapristi, que tu travailles !» Toi, par exemple, tu t'amuses toujours. Mes parents sont là pour moi. Philippe se tut dans la mélancolie de songer que ce brave jalade, pour satisfaire les fantaisies d'une femme prétentieuse et d'une enfant mal élevée, s'enfonçait dans la dette chaque jour davantage. S'étant retournés dans le sentier, vers la touffe de roseaux, ils arrivaient au même endroit que tout à l'heure. Alors, la silhouette élancée de Mariette attira le regard. Mariette était en toilette grise que recouvrait aux trois quarts un tablier de satinette mauve et les bras nus jusqu'au coude, elle s'avançait d'un pas harmonieux dans le rayonnement des fleurs qui la faisaient plus brillante. « La fille du jardinier, dit Thérèse. « La muse de mon quartier, répondit Philippe. « Ta muse ? « Voyons, voyons, qu'as-tu ? » ?»« Rien, que je suis sotte !»« Il me semble que oui. » Philippe souriait de si bonne grâce que Thérèse se rassura. « La fille d'un jardinier !» Philippe Ravin ne pouvait pas s'attacher à la fille d'un jardinier. On savait bien que Thérèse Jalade était réservée à Philippe Ravin. Elle était du moins persuadée que les deux familles avaient depuis toujours décidé leur mariage. Debout auprès de lui, elle regarda franchement la belle Mariette, qui était son aînée de 4 ans. Celle-ci s'étant arrêtée devant un buisson de roses, leva dans leur direction ses yeux noirs si purs. Philippe aussitôt la salua de la main. Thérèse imita son geste amical. Mariette dit bonjour, un peu confuse, en effleurant des doigts le bord de son chapeau de tulle, et elle ajouta « Mademoiselle Jalade a donc quitté le Gros aujourd'hui ?»« Oui, mademoiselle, répliqua Thérèse, on y est pas mal, mais on est mieux ici. »« En effet, on est très bien dans ce quartier champêtre. » Et, disant « Au revoir !» Mariette continua son chemin dans l'allée centrale, qu'encensait dans le chaud soleil tant de parfums suaves. Philippe, dont la gentillesse de Mariette avait ranimé le désir d'amour, pinça gaiement Thérèse au coude, et même d'un ton railleur il la taquina. « Tu ne veux pas être jardinière, toi ?»« Non, tout de même. »« Dis, comment la trouves-tu, ta voisine ?»« Moi, je la trouve sympathique, un peu maniérée. »« Oui, peut-être. » »« Elle ne t'intéresse pas ?»« Si, puisqu'elle est jolie. » « Ça, c'est vrai. » Thérèse eut envie d'ajouter « Et moi, est-ce que je ne suis pas jolie ?» Seulement, elle n'osa pas. Comme Philippe lui prenait le bras et l'entraînait vers la maison où M. Ravin attendait son fils, car c'était l'heure du bureau, elle eut un émoi de satisfaction glorieuse. Au moment où les deux hommes s'apprêtaient à partir pour le magasin de vin, elle sauta au cou de Philippe et lui dit adieu. « Thérèse sera toujours une enfant, » plaisanta M. Ravin. Philippe, qui ne trahissait jamais ses émotions, serrait jalousement en lui l'image amoureuse de Mariette. Pourtant, devait-il se féliciter que Thérèse n'eût pas compris du tout sa secrète pensée ? Quelle déception plus tard !